On s'est aimé, tu m'as piégé. Tu m'as visé droit en plein cœur. Je suis condamné à t'oublier. Tu m'as visé droit en plein cœur. Je ne te pardonnerai jamais. Piégé, tu m'as visé droit en plein cœur. Je suis condamné à t'oublier. Tu m'as visé droit en plein cœur. Tu m'as trahi, tu m'as blessé. N'as-tu donc rien dans le cœur? À quoi pouvais-tu bien penser pour tout gâcher en quelques heures? De tout ce qui s'est passé entre nous. Jamais, jamais nous. J'oublierai tout de tout ce qui s'est passé entre nous. J'oublierai tout de toi, de nous. Tu pensais pouvoir le cacher, mais ton portable t'a trahi. Mais tu n'as donc aucun respect, ni pour toi, ni pour ta famille. Avec qui tu es vraiment, tu perdrais tout leur respect. Seulement, je n'ai pas l'intention de leur.